Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Aurélie Vandendal, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est ça. Bonjour, vous êtes metteur en scène du spectacle L'absence de guerre, du dramaturge David Eyre, qui sera donc à découvrir à Point commun, Théâtre des Louvrets à Pontoise, les 27 et 28 septembre prochains. C'est ce mois-ci à 20h30 pour chacune des soirées. Un spectacle qui a été créé au Théâtre de l'Aquarium à Paris, c'était en 2019, c'est ça ? Oui, tout à fait, janvier 2019. Alors, vous nous proposez une histoire qui mêle fiction biographique et récit historique. On dit même, alors je ne sais pas si c'est un raccourci, qu'il s'agit d'un thriller politique où le flegme britannique vole en éclats pour se déchirer dans la folie. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment en effet un thriller politique. David Eyre, il s'est plongé dans les méandres du Parti travailliste anglais. Il a vraiment suivi le Parti travailliste. Il a plus précisément suivi le candidat Neil Kinnock, voilà, qui était candidat à ce moment-là. Et puis, il était là pour vraiment écrire une pièce qui était un couronnement du Parti travailliste, des valeurs de la gauche et de cette victoire qui était tant attendue. Et puis finalement, il va suivre une défaite qui est vraiment une défaite, celle avant tout des idéaux démocratiques et celle de la vérité en politique. C'est au moment où les masses médias arrivent, où la communication prend une importance vraiment capitale, et on suit l'itinéraire d'un personnage qu'il a fictionnalisé, qui est George Jones, et qui est entouré de son équipe de communicants, de nounous, enfin tout un staff qui l'entoure pour le porter vers la victoire, mais c'est sans compter toutes les embûches qu'il va y avoir dans cette campagne extrêmement mouvementée. Alors on pourrait indiquer à nos auditeurs un avertissement qui serait le suivant: toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure et fortuite coïncidence. En même temps, cette pièce nous décrit le monde impitoyable de la politique, que ça soit sur la situation en Angleterre au regard de ce récit qui remonte à 1992, c'est ça, que ce soit le récit précis de l'Angleterre d'aujourd'hui, celle du Brexit, ou bien de notre propre démocratie ici en France. Oui, tout à fait. C'est vraiment une histoire qui prend corps un peu dans toutes les démocraties occidentales, dans tous les systèmes qui sont un peu à l'épreuve aujourd'hui, je dirais. C'est-à-dire qu'il l'écrit vraiment à ce moment-là, dans les années 90, en partant de ses faits réels. Et puis à chaque fois que la pièce, elle est montée, en fait, les spectateurs, ils voient un écho extrêmement troublant avec leur réel. Donc évidemment, là, l'Angleterre, c'est extrêmement frappant de voir comment ils se déchirent et ce Brexit qui n'en finit pas. Donc ça fait forcément écho à ça. D'ailleurs, nous, on y fait quelques références. Mais c'est vrai que nous, l'année dernière, quand on l'a joué, les gens voyaient vraiment aussi cette défaite de la gauche, ce nouveau centrisme qui est arrivé, et puis voilà, nos démocraties qui sont mises à l'épreuve. Donc c'est une pièce extrêmement universelle et qui parle aussi vraiment de la mécanique du pouvoir. Donc on s'y retrouve de manière très forte, même si on n'est pas intéressé par la situation politique précisément. En plus, là, ça donne à voir ce qu'on ne devrait pas voir, ce qu'on ne devrait pas connaître. On se retrouve dans les entrailles de ce que nous ne devrions jamais voir, c'est-à-dire le cœur d'une organisation politique. Et c'est vrai que quand on rentre dans les coulisses, eh bien, c'est pas le même effet, hein. Oui, tout à fait. Et ça nous tenait vraiment à cœur parce que David Eyre, il écrit vraiment sur ce in et ce off, c'est-à-dire qu'est-ce que les politiques doivent dire alors même qu'ils pensent autre chose, quelles sont leurs contraintes aussi de vérité, d'engagement. Et nous, on a essayé de travailler sur ces frontières-là, la frontière de la représentation puis la frontière de l'intime. Et dans la scénographie, on a vraiment poussé ça et donné à voir à la fois les coulisses du Parti travailliste, ceux qui vont fomenter, quelles mesures ils vont vraiment annoncer. Et puis derrière ce décor, il y a vraiment une série de couloirs bleus qui entourent ce monde-là de l'intime et qui est celui où il faut afficher son charisme, sa force, voilà, être extrêmement présent. Et c'est relayé par de la vidéo qui est filmée en direct. Donc le propre aussi de notre spectacle, c'est ces 2h30 de thriller politique un peu long déployé. Et puis il y a cette vidéo, donc il y a comme un film en plus de ce qui se joue devant les yeux du spectateur. Et ça nous montre aussi ces multiples niveaux d'action pour les protagonistes de la pièce. Alors, à la fois description d'un parti qui est résolu à viser tout le pouvoir et cela à tout prix, quitte à renier ses engagements et son programme électorale, ça nous parle très directement. C'est très contemporain, que ce soit en Angleterre ou ailleurs. Il y a aussi le personnage principal, celui de George Jones, le leader de l'opposition, un candidat qui serait, au travers de cette pièce, un peu, un anti-héros contemporain. Oui, c'est-à-dire que George Jones, il est à un tournant de sa carrière, il faudrait qu'il arrive vraiment au pouvoir, donc il est extrêmement tiraillé entre ce qu'on pourrait appeler une carrière et ce qu'on lui a prédit, c'est-à-dire gouverner, dominer, pouvoir peut-être mettre en place ce qu'il voudrait vraiment faire, avec des valeurs qui sont les siennes, et puis il est tiraillé entre ça et le moment où il est, c'est-à-dire ce moment où en fait il faut aussi paraître, il faut montrer aussi ce qu'on n'est pas. C'est un personnage qui est, au fond, je pense à un héros extrêmement pur, mais qui est vraiment tiraillé entre cette carrière, ce politique, et puis le théâtre qu'il adore et qui peut-être lui correspond mieux, c'est-à-dire que lui, au fond, il pense aussi que tout ça, c'est un jeu, qu'il ne va pas forcément pour un politicien. Donc il y a vraiment aussi une métaphore de la vie, du théâtre, à travers ce héros qui se retrouve plus dans ce monde et en même temps il est extrêmement fermé, c'est-à-dire tout le monde a misé sur lui. Et ça parle aussi beaucoup de ça, de qu'est-ce qu'on attend de nous, comment on est catégorisé et présenté dans la société et en quoi ça nous enferme. Alors, l'un des partis pris de votre mise en scène, c'est le recours à la vidéo. Et quand je dis le recours à la vidéo, c'est presque un personnage à part entière, le rôle du cadreur qui filme en direct, parfois à vue, parfois hors champ. La vidéo joue un rôle essentiel. Oui, en fait, moi, j'avais envie de me dire comment aujourd'hui, dans ce monde d'images extrêmement présent, comment l'image, ça peut devenir vraiment un objet poétique. C'était ça qui m'intéressait aussi. Donc, à la fois, c'était l'idée de se dire, dans la politique, il y a vraiment cette question aussi du documentaire ou des séries qui ont eu un grand succès. Je pense à House of Cards ou Boss, enfin, beaucoup de séries qui ont relaté un peu ces mouvements politiques. Donc, il y avait à la fois ces inspirations très contemporaines et puis l'idée de se dire aussi aujourd'hui, tous ces outils qu'on a, nous, citoyens, dans nos mains pour faire de l'image, pour la produire, comment on peut en faire un vrai outil poétique, voilà, pour raconter le destin d'un homme et puis de son équipe de cavalerie presque. Donc l'idée pour nous, c'était de se dire, voilà, un film plus du jeu en direct et comment ces deux choses-là, elles peuvent dialoguer, comment le théâtre il peut dialoguer avec l'image et comment notre regard il peut voyager dans ce labyrinthe qui est en fait à la fois un labyrinthe mental mais aussi le labyrinthe de la politique, les ennemis qui sont dans les couloirs, les trahisons, les moments de joie, de fête, ce que les politiciens ne veulent pas voir quand ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire et que nous on est dans la rue, de montrer aussi tous ces reliefs-là. Alors, pour décrire les espaces entre le réel et l'imaginaire, vous procédez presque de manière cinématographique sur scène. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que déjà, les acteurs, ils ont vraiment comme partenaire ce cadreur qui peut les filmer parfois très très proche comme un gros plan de cinéma. Parfois, et c'est plus lointain ou c'est plus dans leur dos, je dirais, parce que ce cadreur, il joue un petit peu le rôle de David Ayer quand il est rentré dans ce parti travailler. C'est-à-dire c'est à la fois une petite souris qui observe quelque chose qu'il ne devrait pas voir et à la fois, il est en train de nous raconter une histoire. Donc, bien sûr, ces cadres, ces prises de vue, elles se font parfois en surprenant les personnages, parfois non. Donc il y a beaucoup de procédés cinématographiques dans la pièce qui accompagnent cette narration. Puis on aime beaucoup ça, se dire que le théâtre, il doit aussi emprunter aux autres arts pour se nourrir. Oui, alors parlons de la scène justement, de l'espace scénique. Vous l'avez imaginé comme un espace de circulation. J'ai lu la chose suivante, l'architecture a été la base de notre travail spatial. Un espace qui propose de nombreuses lignes de fuite, d'échappées, de sorties, de portes, d'ascenseurs, etc. Comme pour mieux permettre le doute, voire aussi susciter les confrontations. Oui, parce que c'est vrai qu'en se documentant sur les politiciens, les figures politiques, même eux, ils envisagent leur art presque comme des mythologies où ils rencontrent des ennemis, ils affrontent, il y a un vocabulaire extrêmement guerrier. Ça s'appelle d'ailleurs l'absence de guerre, mais c'est un titre très ironique. En réalité, c'est une guerre quasiment permanente qui est la guerre de l'occupation du terrain politique, de la communication. Donc c'était l'idée de se dire comment un territoire est occupé et comment on peut permettre ça sans que ce soit trop statique. Et là, c'est vrai qu'il y a cet ascenseur. Et aussi, il y a une longue scène de confrontation qui révèle une trahison qui est à chaque fois filmée dans des endroits différents, dans chaque endroit différent. Quand on joue au point commun, ce sera dans un endroit spécifique, qui est une manière de se dire le théâtre, c'est pas que ce que vous allez voir sur la scène, c'est l'ensemble du bâtiment qui va nous servir de terrain de jeu pour les acteurs comme pour les spectateurs, pour aussi un peu exposer frontières scène-salle. Oui, alors on a parlé de l'image, des images, mais également, si on pourrait parler de la bande-son, l'élément sonore, voire les éléments sonores, sont aussi un des fils conducteurs de ce spectacle. Oui, alors il y a un créateur son, Grégoire Durand, qui a vraiment travaillé avec les acteurs. Tous les acteurs de cette pièce sont microtés au HF, ça c'est des choix qui nous permettent aussi de travailler parfois avec des volumes sonores, parfois très bas, parfois très haut, comme un peu au cinéma, qui permettent vraiment d'accompagner aussi les émotions de ce thriller politique. Et il a vraiment fait une création musicale extrêmement précise, qui est presque une pulsation cardiaque de ce thriller, parfois angoissante, parfois extrêmement joyeuse, mais qui suit vraiment le pouls de cette campagne électorale. Et puis là-dedans, on a inséré des références plus connues qui nous permettent aussi de faire des clins d'œil à l'Angleterre et à comment la musique pop, ou en tout cas certaines formes de musique, vont aussi se saisir de thématiques d'actualité pour lancer comme ça des cris d'appel et qui ne sont pas forcément entendus par les politiciens. Donc la bande-son, un dialogue entre une vraie création sonore et puis des morceaux que tout le monde connaît et qui sont aussi des sortes de clins d'œil à l'inconscient collectif. Spectacle à vivre donc à l'occasion de deux représentations, le vendredi 27 septembre et le samedi 28 septembre à 20h30 à Point Commun au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Alors une histoire qui est le théâtre d'un affrontement entre idéalisme politique et conquête du pouvoir. Je lisais parmi les critiques de presse la chose suivante sous la plume de Flore Colmet. Cette mise en scène nous donne vraiment l'impression d'être aux premières loges de cette course, effrénée pour déstabiliser l'adversaire sans être soi-même victime des attaques de ses détracteurs, en oubliant évidemment ses vrais idéaux au passage. C'est cruel, trépidant et passionnant. Ça nous donne l'envie évidemment d'aller découvrir ce spectacle, avec cependant l'idée que est-ce que la politique doit se réduire à cette démonstration ? Alors je crois que la pièce qu'a écrit R, c'est pas comment dire métaphysique, c'est avant tout l'histoire d'homme. Et justement, c'est presque aussi une critique d'un système, on s'est enfermé. En tout cas, notre volonté, c'était aussi qu'il y ait une forme d'espoir, c'est-à-dire au fond de mettre en scène aussi une libération. Donc la politique, c'est un sujet extrêmement vaste, extrêmement construit. Nous, l'idée, c'est pas de le réduire, c'est de proposer vraiment une histoire, comme on peut se raconter une histoire pour se faire vibrer, pour se faire peur, voilà, pour créer aussi du lien. Donc c'était vraiment l'idée d'une histoire qui prend différentes formes et qui évidemment a des échos, mais qui aussi nous donne un souffle et une pulsion de vie pour se dire qu'on est acteur de notre vie. Merci Aurélie Vandendal pour cette présentation du spectacle L'absence de guerre du dramaturge David Herr. Et sur scène, il n'y a pas qu'un seul comédien comme j'ai pu en parler, mais vous êtes 8 ou 9, c'est ça, sur scène ? Voilà, oui, il y a 8 interprètes et le cadreur plateau. Donc voilà, c'est un plateau assez vaste avec beaucoup de personnages et de personnalités très hautes en couleur dans cette équipe qui nous rappelle évidemment des figures qu'on connaît. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.